France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Imaginez un film des années 50 qui sortirait en DVD aujourd'hui avec Louis de Funès en vedette. Vous seriez dubitatif, vous songeriez que la jaquette est trompeuse, que l'on essaye de vous vendre un navet dans lequel on entreaperçoit de Funès seulement quelques secondes. Pas de ce genre dans Tourloupette, ici, pas de film des années 50, cette nuit sur France Culture, nous sommes à la radio de toute façon, mais du théâtre, de l'excellent. Une nouvelle de Gogol, adaptée par Philippe Soupeau. Et dans la distribution, oui, Louis de Funès. Et dans un grand rôle, s'il vous plaît, est déjà parfait. Et pas seulement lui, mais aussi Roger Pierre, Odette Leur, Pierre Dac, Michel Serrault. Le mariage. Le mariage, des histoires de marieuses, bien sûr, d'un inventaire pour la dot, d'un nez trop long, celui de la jeune fille à marier. Quoi, un nez trop long, dit de Funès, au contraire, ravissant, etc. Il va plaider cela auprès de l'ami qu'il veut marier, Roger Pierre. Bref, du théâtre pour rire, enregistré pour la radio et diffusé sur la chaîne parisienne le 3 décembre 1953. Le théâtre où l'on s'amuse, une production et réalisation de Jean Chouquet et Philippe Soupeau. C'est d'abord Philippe Soupeau qui vous parle. Gogol, l'auteur de la comédie que j'ai adaptée, est un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle et le plus authentique auteur comique de son époque. Gogol a choisi pour thème de la plus drôle de ses comédies le mariage. La plupart des auteurs comiques et les romanciers ont toujours été fascinés par la question du mariage, le problème du mariage. Écoutez plutôt quelques-unes des opinions d'auteurs célèbres dites par les interprètes de la comédie que vous allez entendre ce soir. D'abord par Odette Leur qui sera Aglaé, la jeune fille à marier. Oh, j'ai la migraine à force de réfléchir. Je me demande s'il ne vaut pas mieux tirer à la courte paille, m'abandonner à la volonté de Dieu. J'épouserai celui qui sera marqué par le destin. Geneviève Morel, Pétronille, sa tante. Balzac recommandait aux maris de traiter leurs femmes comme ils traitaient le ministre de qui dépend la place qu'ils peuvent convoiter. Roger Pierre, Alcide le vacillant, le prétendant. Quelqu'un de très bien entendu, a donné ce conseil. Si tu te maries pour de l'argent, tu peux en emprunter à meilleur compte. Louis de Funès. Octave Chtebouscule, ami de Le Vacillant. Le Code civil précise, article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Jacques Legras, Alphonse, le domestique de Le Vacillant. C'est la Bruyère qui assure qu'un homme libre et qui n'a point de femme, s'il a quelque esprit, peut s'élever au-dessus de sa fortune et aller de pair avec les plus honnêtes gens. Cela est moins facile à celui qui est engagé. Il semble que le mariage met tout le monde dans son ordre. Fernand Rosena, Dupiédevaux, prétendant, sous-chef de bureau. Les vaudevillistes du début de ce siècle, Enka et Weber, concluent leur joyeux vaudeville Les Surprises du divorce par cette déclaration. Le mariage est une loterie et le divorce une boîte à surprises. Pierre Dac. Le Chicard, prétendant, officier de marine en retraite. Beaumarchais affirme, de toutes les choses sérieuses, le mariage est la plus bouffonne. La Doucette, prétendant, officier d'infanterie en retraite. Mademoiselle de Scudéry, romancière à la mode au XVIIe siècle, prétendait que le mariage est une science, mais personne ne l'étudie. Et Mona Goya, Léonie Morbois, marieuse de profession. Alexandre Dumas, fils, a écrit d'une manière un peu équivoque « Le mariage est une chaîne que l'on porte à deux. » Mais bien mieux à trois. Le décor du premier acte est la chambre à coucher de Le Vacillant. Les décors du second et du troisième acte sont le salon d'Aglaé. « On aura beau dire, vraiment, quand on occupe ses loisirs à méditer, on se rend compte que toute réflexion faite, vraiment, il faut se marier. N'est-ce pas, la vie passe, le temps passe, on est dégoûté de tout et du reste. Ainsi, moi j'ai encore laissé s'écouler le mois d'avril, la meilleure époque, alors que tout paraissait sur le point de se faire. Oh, voilà 3 mois déjà que la marieuse est venue me trouver. 3 mois, qu'est-ce que je dis ? 3 siècles ? Et je suis honteux. Si, je suis honteux. Non, vraiment, je suis honteux. Alphonse ! Et Alphonse ! Monsieur m'a appelé. La marieuse est-elle venue ? Non, monsieur. As-tu été chez mon tailleur ? Oui, monsieur. A-t-il coupé mon habit ? Il le coupe. Son travail avance-t-il ? Il avance, il en est déjà aux boutonnières. Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte que le tailleur en est déjà aux boutonnières. Ah, est-ce qu'il t'a demandé pourquoi ton maître avait commandé un habit ? Non, il ne me l'a pas demandé. Il t'a peut-être demandé, ton maître ne songe-t-il pas à se marier ? Non, il ne m'a pas demandé, ton maître ne songe-t-il pas à se marier ? Oui, mais dis-moi, n'as-tu pas vu d'autres habits chez le tailleur ? Oh, il y a beaucoup d'autres habits qui sont suspendus au cintre. Oui. Est-ce que le tissu de ses habits, comme je l'espère, est de moins bonne qualité que celui de mon habit ? Oui, le tissu des autres habits est de meilleure qualité que celui de votre habit. Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte que le tissu des autres habits est de meilleure qualité que celui du vôtre. Bon, ne discutons pas. Et le tailleur ne t'a pas demandé pourquoi ton maître se faisait faire un habit d'un tissu aussi fin ? Non, le tailleur ne me l'a pas demandé. Ah, il t'a peut-être demandé si je désirais me marier ? Non, il ne m'a rien demandé. Ah. Mais tu lui as pourtant bien dit que j'étais chef de division. Ah, je lui ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu ? Mais il a répondu exactement ceci. Je ferai tout ce que je pourrai. Très bien. Excellent. Et maintenant, fous le camp. Ah, je fous le camp. Décidément, et toute réflexion faite, je crois que l'habit noir est tout de même plus digne, plus imposant. Ah oui, les habits de couleur bleu nuit et violet, au fond, conviennent mieux aux secrétaires et aux autres employés d'un grade inférieur. Non, ils sont décidément tout ce qu'il y a de plus genoux. Non, les fonctionnaires qui occupent des postes de commande doivent sans aucun doute prendre garde à... Enfin, comment dirais-je ? Enfin, voyons, il faut qu'ils prennent garde à... Oh, bah, j'oublie le nom propre maintenant. Ah, mon vieux, tu peux toujours t'aligner, toi. Un chef de division, c'est aussi imposant qu'un colonel. Sinon plus, en plus, plus. Évidemment, l'uniforme, les épaulettes, les médailles. Alphonse ! Et Alphonse ! Monsieur m'a appelé. Alphonse, est-ce que tu n'as pas oublié le cirage ? Je n'ai pas oublié le cirage. Où as-tu acheté le cirage ? L'as-tu acheté chez Cordenbois ? Je l'ai acheté chez Cordenbois. Es-tu sûr que ce cirage soit vraiment de bonne qualité ? Oh, le cirage est de bonne qualité. As-tu essayé déjà de brosser mes souliers ? J'ai essayé de cirer vos souliers. Ah bon ? Et alors, est-ce que mes souliers brillent ? Oh, vos souliers brillent. Oh, oui, mais quand tu as acheté ce cirage, est-ce que Cordenbois t'a demandé pourquoi ton maître avait besoin de cirage ? Non, il ne l'a pas demandé, non. Ah, il t'a peut-être demandé si ton maître avait l'intention de se marier. Ah non, il m'a rien demandé du tout. Très bien. Alors, fous le camp. Je fous le camp. Oh. Ah, les souliers, c'est une question qui semble ne pas avoir vraiment d'importance. Cependant, s'ils sont mal cousus et mal cirés, il est certain qu'on aura moins de respect pour vous dans le meilleur monde. Ah, ça. Ah, puis il ne faut pas, dans la question souliers, commettre de gaffe. Il faut les souliers confortables. Supposons que j'ai des corps aux pieds. Je puis supporter Dieu sait quoi. Mais les corps aux pieds, c'est insupportable. Non, décidément, c'est insupportable. Alphonse ! Et Alphonse ! Monsieur m'a appelé. Dis donc, as-tu pensé à dire au cordonnier que je ne pouvais pas supporter d'avoir des corps aux pieds ? J'ai pensé à dire au cordonnier que vous ne pouviez pas supporter d'avoir des corps aux pieds. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le cordonnier ? Il a répondu, bien. Ah bien, très bien, fous le camp. Je fous le camp. Ah, que le mariage donne de soucis. Décidément, il faut penser à une chose, songer à une autre, et puis encore à une autre chose. Mais tout doit être réglé d'avance et marcher comme sur des roulettes. C'est difficile, oh, c'est compliqué, c'est décidément très compliqué. On a beau dire que c'est pas aussi facile qu'on le... Alphonse ! Et Alphonse ! Monsieur m'a appelé ! Mais qu'est-ce qui fait tout ce chahut ? C'est une vieille noix qui veut vous parler. Oh mon Dieu ! La vieille noix ! La bonne femme ! Fais-la entrer ! Ah, décidément, le mariage est une affaire qui exige de la réflexion. C'est rudement dur. Ah, vous voilà, Madame Léonie. Bonjour, Madame Léonie. Bonjour. Eh bien, où en sommes-nous ? Asseyez-vous. Voilà. Et faites-moi part de... Racontez-moi ça. Où en sont nos affaires ? Comment s'appelle-t-elle ? Je suis sûre qu'elle s'appelle... Non, elle s'appelle Aglaé. Aglaé ? Oui. Aglaé ? Une vierge de 48 ans ? Ah, non, bougre, non. Et quand vous aurez convolé, sûr de sûr, vous n'arrêterez pas de me louanger et de crier merci. Madame Léonie, vous n'êtes qu'une menteuse. Je suis trop déjetée pour être menteuse, mon petit gros. Il n'y a que les roquets qui mentent. Oui, et la dot, la dot. Répète-moi ce que tu me disais pour la dot. La dot, voilà. Oui. Une bâtisse en pierre dans le meilleur coin. Et deux étages et qui rapporte, une vraie rigolade. Le premier locataire, un marchand de vin, paie à lui seul 77 000 par mois. Et puis il y a encore les deux autres bâtisses. L'une avec un fond de pierre de premier choix et l'autre qui est en bois. Ah, et puis un grand potager dans la banlieue qui est loué à un maraîcher. Qui, croyez-moi si vous voulez, ne boit jamais. Non. Il ignore même le goût des boissons capiteuses. Oh. Il a trois fils, dont deux déjà mariés et bien mariés. Et comment est sa figure? Du non-non. Blanche et rose, des fraises à la crème. Une douceur qu'on ne sait comment l'appeler. Après la noce, vous direz, oh, Léonie, comme je lui sais gré. Oh, mais elle n'est tout de même pas la fille d'un haut fonctionnaire. Non, non, elle est l'enfant unique d'un digne et honorable commerçant. Et elle pourrait être la fille d'un officier supérieur, ou au moins d'un adjudant ou d'un maréchal. Le dimanche, quand elle s'enfile dans sa robe de soie, oh, bon Dieu, elle fait un froufrou, une vraie petite princesse. N'oubliez pas que je suis chef de division, vous me comprenez. Mais comment pas piger du premier coup? Nous avions déjà un chef de division, oui, mais on l'a refusé. Ah oui? Ah, vous ne nous plaisez pas. Il mentait comme il respirait. Et pourtant, il était beau garçon. Non, rien à faire. Dieu en avait fait un menteur et il ne pouvait pas s'empêcher de mentir. Oui, bon, ben c'est bon. Et Aglaé non comprise, en avez-vous d'autres à me proposer? D'autres? Bah, vous n'avez pas besoin d'autres puisque c'est la plus chouette. Hein. Non, mais c'est bien vrai. Bah, vous pouvez aller vous balader autour du monde, allez. Vous n'en trouverez pas plus de... Ah bon? Eh bien, nous allons réfléchir, Madame Léonie. Ah bon? Nous allons nous livrer à des réflexions. Revenez, revenez, disons, après-demain. Madame Léonie, nous en reparlerons comme nous en avons parlé aujourd'hui. Vous me raconterez. Hein? Mais voilà trois mois que je m'amène ici tous les jours. Et puis rien n'en sort. Vous fumez la pipe en robe de chambre, ben c'est tout. Rien, rien, rien, moins que rien. Mais vous estimez donc, madame, qu'il est aussi facile de se marier que de commander une paire de souliers? C'est drôle, ça. Il convient dans ce domaine de méditer. Il importe de comparer, de peser, d'estimer, d'apprécier. Bon, comparer si vous voulez. Allez-y, mon prince, ne vous gênez pas. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Il faut comparer les marchandises. Mais venez, allez, allez, dites qu'on apporte votre pelure et venez. Allez, c'est le moment, c'est l'instant, tout de suite. Tout de suite? Mais le temps est gris et maussade. Et s'il se met à pleuvoir, quelle tête ferais-je? Prenez garde à vous. Vous avez déjà plusieurs cheveux blancs. Hein? Bientôt, vous ne vaudrez plus un rotin dans la noce. Méfiez-vous, j'en trouverai d'autres fiancés, à l'appel et en vrac, et puis on ne voudra plus de vous. Qu'est-ce que vous me racontez? Des cheveux blancs? Des cheveux blancs? Montrez-moi un cheveu blanc. Vous avez des cheveux blancs comme tout un chacun? Un homme, c'est fait pour vieillir. Non, réfléchissez. Si ça colle pas avec un, on en luque un autre. Je pense à un capitaine, ah oui. Vous lui arrivez même pas à l'épaule. Oh, il est trompette de son régiment. Il m'a dit... Ah, vous mentez, ma bonne commère. Je vais aller me regarder dans la glace. Alphonse! Hé! Hey, Alphonse! Apporte-moi le miroir! Un cheveu blanc! Parfaitement! Un cheveu blanc! Mais Dieu tout puissant! Ça serait terrible, ça! Bien plus terrible que la petite vérole! Un cheveu blanc! Oh! Hé! La vacillante! Ah! C'est vous, Madame Léonie! Oui? Que faites-vous dans cette maison, vous, misérable sorcière? Oh non, mais dites donc. Écoutez. Dites-moi pourquoi vous avez voulu absolument me marier. Eh ben, vous avez suivi la coutume. Quelle coutume? Une femme, c'est une femme. J'aurais pu me passer de ma femme. Mais c'est vous qui me disiez, Mme Léonie, mariez-moi, trouvez-moi une femme. Sorcière, hein? Vieille guenon. dites-nous... Qu'est-ce que vous venez faire dans cette maison, est-ce que par hasard le vacillant voudrait... Mais pourquoi pas, Dieu le bénisse? Non, vraiment. Oh, le coquin. Oh, le caches-tu? Il ne m'en a pas soufflé mot. Oh, oh, quel petit futé, hein? Faire ça en douce. Le voilà! Oh, imbécile! Il m'avait peur. Pourquoi tu m'avais peur? J'en tremble encore. C'était pour rire. Non, on n'a pas idée de rire de cette façon. C'est une drôle de plaisanterie. J'en ai cassé ma glace. Je t'en donnerai une autre. Donne-lui une autre, c'est facile à dire. Je connais les autres glaces. Quand on s'y regarde, on paraît 10 ans de plus. Et pire, on a une gueule de travers. Ah, c'est moi qui devrais t'en vouloir. Me cacher tes projets. Voilà que tu veux te marier maintenant. Moi? Oh, quelle folie! Me marier? Jamais! Menteur! Et Madame Léonie, qu'est-ce que fabrique chez toi, hein? Je la connais, la vieille guenon! Ah là là là là! Mais enfin, mon cher ami, tu sais, il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas un crime, voyons. Mais c'est le devoir de chaque être humain. Pour la patrie, hein? Écoute-moi. Je me charge de toutes les demandes, hein? Madame Léonie, dites-moi tout. Dites-moi tout! Les tenants, les aboutissants, etc., etc., etc., etc. Qui est-ce? Une fille de bonne famille? Une fille d'un officier supérieur? Une héritière fille d'un commerçant? Allez, allez, Madame Léonie, allez, dites-moi son nom. Son nom. Aglaé Pironel. Aglaé Pironel, de la rue du Colonel Moll? Mais non, Aglaé Pironel de l'avenue du Général Brodicourt. Très bien. Très, très bien. Je me charge de tout. Vous pouvez partir, Madame Léonie. Oh. On n'a plus besoin de vous. Comment? Vous voulez goupiller le mariage tout seul? Oui, seul. Tout seul. Vous êtes prié de ne pas vous mêler de ce qui vous regarde pas. Eh ben, vous êtes un rien culotté, vous. Mais c'est pas l'affaire d'un maître. Madame Léonie, je vous conseille de foutre le camp. Vous n'y connaissez rien. Foutez le camp et plus vite que ça. Oh, vous me sortez le pain du bec, espèce Allez, de dénaturé. C'est ça. Comment pouvez-vous vous occuper de cette histoire? Au revoir. Oh, ben, si j'avais su, j'aurais fermé ma boîte. Exactement, voilà. Allons, mon garçon, en avant. En route, mauvaise troupe. Il ne faut jamais remettre au lendemain. Mais, je n'avais encore rien décidément décidé. C'était simplement une idée comme ça. Folie. Tu n'as absolument, tu m'entends absolument rien à faire. Je te marierai si vite et si bien que tu ne t'en apercevras même pas. En avant. Marche. Direction chez la fiancée. Mais... Ah, ah, tout va s'arranger d'un seul coup. Et tout de suite. Comment tout de suite? Mais tu sais pas ce que tu dis. Mais tout est si simple et si facile, mon cher ami. Non, mais voyons, réfléchis. Non, réfléchis. Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Et tu peux constater le résultat. Regarde ta chambre, hein. Dans un coin, une vieille chaussette et tiens. Ce cendrier, là, oui. Oh, et ce panier à papier, et toi-même, enfin, vautrer toute la journée sur ton sofa comme une limace. Oui, ça, c'est vrai. C'est absolument vrai. Je constate que chez moi règne le plus grand désordre. Tandis que, quand tu seras marié, tu ne reconnaîtras plus ta maison ni toi-même. Sofa à droite, toi-même à gauche, un petit chien, un serin dans une cage, oui. Un ouvrage de dame sur la table. Et imagine-toi. Oui, oui. Tu te reposeras tranquillement sur ton sofa et une mignonne petite femme, jolie comme un ange, viendrait te caresser les cheveux de sa petite main, de sa toute petite main. C'est vrai. Il y a des femmes qui ont des mains toutes petites, hein, et puis si jolies, si blanches, ces petites mains blanches comme de la crème, hein. C'est vrai, hein. Ah, oui. Oui, mais tu n'y connais rien. Oui, ça ne fait rien. Voyons, enfin, réfléchis. Non, pas que de petites mains, voyons. Non, mais non, c'est inutile d'insister, le diable seul pourrait te dire ce qu'elles n'ont pas. Un ami comme toi, je puis dire la franche vérité. Je ne déteste pas avoir près de moi une belle petite créature. Enfin, comment dirais-je, tu vois. Ah, tu es mordu. Ne perdons pas de temps, il s'agit de tout bien organiser. Je te prie de ne t'occuper de rien. D'abord, le dîner, le mariage, attends, je m'en charge. Hein. Impossible, mon bon ami, de compter sur moins de 12 bouteilles de champagne. Tu crois pas je t'en prie. Non, ne discute pas. Il faut ce qu'il faut. Et puis, il faut boire. Et puis, attends, 6 bouteilles de Porto. Au moins, ta fiancée a certainement des parents en quantité. Et puis, enfin, ils n'entendront pas complaisante sur ce chapitre. Hein. Et puis, du vin, du rhum, au moins 18 bouteilles, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en dis-tu? D'accord, bien, c'est parfait. Bon, alors je fais venir un maître d'hôtel dont tu me diras des nouvelles. Et je le connais, et il nous fera tellement bouffer que nous ne pourrons plus nous tenir sur nos jambes. Oh, mais quel enthousiasme, mon cher! Tu te crois décidément à la veille du mariage? Ben oui, mais pourquoi pas? Puisque tu es d'accord. D'accord? Moi d'accord? Mais minute, je ne suis pas d'accord. Non mais comment pas d'accord? Non mais voilà une histoire, tu me disais il y a deux secondes que tu ne demandais pas mieux. Mais je disais simplement que peut-être, on pourrait peut-être y penser, il y a une nuance. Non, du calme, du calme, du calme. Tout était si bien rangé, le champagne, le porto, le vin du Rhin. Non mais enfin voyons, la vie conjugale te plairait donc pas? Mais je serais heureux au contraire, mais... Y a... Eh ben alors, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Mais rien ne m'en empêche, seulement ça me semble si étrange. Étrange quoi? Quoi étrange? Mais, quoi étrange? Mais n'est-ce pas étrange d'être célibataire aujourd'hui et puis demain, dis, brusquement, hop, marié? Ben voilà, une histoire de m'en foutre une pente, mon bon ami. Mais avec toi, il ne faut pas plaisanter, je me rencontre. Oh, oh, mais je vais donc te parler franchement, comme un père à son fils et d'homme à homme. Voyons. Regarde-toi comme si tu te regardais dans une glace, avec une grande attention. Oui. Mon pauvre ami, tu ne ressembles à rien, exactement à rien du tout. Si, peut-être à une bûche, et encore. Peux-tu me dire ce que tu fiches sur cette terre, hein? Regarde-toi dans ce miroir, qu'est-ce que tu vois, hein? Ben, mon air stupide, oh. Un point c'est tout. Oh. Tandis que, ah, réfléchis, si autour de toi gambadaient des enfants, et je ne parle pas de deux ou trois bambins, mais au moins d'une bonne demi-douzaine de petits mômes qui te ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein? Aujourd'hui, te voilà seul, chef de division, haut fonctionnaire, ce que je sais. Mais demain, c'est la grande chose, une ribambelle de bambins, futur chef de division, une bande de petits voyous, de petits saligots qui viendront te tirer la babarbe en criant « Papa, fais-nous peur !» Et toi, tu leur répondras en japon « Wow, wow, voyons, mon ami, mais c'est tout de même celui encore de meilleur dans la vie !» Oui, quels petits diables, ils casseront tout et ils joueront avec mes dossiers. Oui, des bons petits diables, et alors, des diablotins qui te ressembleront, ce sera charmant. Charmant, en effet. Un petit môme pas plus aucune botte qui vous ressemble, c'est charmant. Mais pourquoi ce serait pas charmant? Bah, évidemment c'est charmant. Allons mon ami, plus une seconde à perdre, hein. Allons-y, allez. Bon, alors, allons-y. Alphonse, le paletot de ton maître au galop. Mais tu, je crois que je devrais quand même mettre un gilet blanc. Oui, aucune importance. Mais aucune importance, c'est vite dit. Oh, quelle saloperie cette blanchisseuse. Regarde, elle a mal à m'y donner le col. Je peux pas arriver à le boutonner. Mais oui, bon, ça me fait rire. Vas-y. Alphonse! Tu lui diras que c'est une saloperie, voilà. L'apprentisseuse. C'est malheureux, quand même. Plus vite que ça, mais quelle vieille noix, mais quelle lambin de première classe. Mais je suis prêt, une seconde, je t'en prie. Ah. Oh, laisse-moi m'asseoir. Écoute, mon bon ami. Écoute, toute réflexion faite, je crois décidément qu'il est préférable que tu y ailles tout seul. Je t'attendrai ici, moi. Mais t'es complètement fou. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Y aller seul, moi? Non, mais dis donc. Mais qui c'est qui doit se marier, toi ou moi? Mais, écoute, vraiment, toute réflexion faite, j'ai pas tellement envie. Qu'est-ce qui m'a foutu un imbécile pareil? Es-tu définitivement idiot? Voilà mon bonhomme qui est prêt à partir. Tout s'arrange, et puis craque, il démolit tout. Oui ou non, n'ai-je pas le droit de te traiter de cochon de saligo après un coup pareil, non? Mais pourquoi tous ces gros mots? Les ai-je vraiment mérité ces gros mots? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'es qu'un crétin, et un crétin de la tête aux pieds. Si. Et tout le monde le criera sur tous les toits. Chef de division peut-être, mais triple crétin sûrement. Je me donne un mal de chien uniquement pour ton bien. Ne comprends-tu pas que si tu ne te presses pas, on va te soulever l'affaire, non? Et pendant que je parle, voilà mon bonhomme qui se vautre sur son sofa, hein? Veux-tu me dire de quoi tu as l'air, hein? Une chiffre, une lavette, une serpillière, un torchon, un bout, et encore, tiens, je trouve pas les mots. Ah bon? T'oses pas te dire ce que je pense. Non, ce sera indécent, tu n'es qu'un bruit. Encore pire que ça, tiens. Eh bien, je te remercie. Chut. Est-ce que tu n'es pas un peu fou, non? Alphonse est là qui nous écoute. Oh! Et tu m'insultes, tu m'entraînes dans la boue. Est-ce que tu pouvais pas attendre qu'il soit sorti? Alphonse! Fous le camp! Je fous le camp! Là, ça va. Peux-tu m'indiquer un moyen de ne pas me mettre en colère? Écoute. Qui aurait pu m'empêcher de te dire la simple vérité? Enfin, oui ou non? Tu décides, comme tout honnête homme, de te marier écoutant la voix de la sagesse. Bon! Et puis, brusquement, comme une girouette, je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, écoute. Te voilà comme un cul de plomb, pire même! Bon. Puisque tu le prends sur ce ton, je vais y aller, hein? Tu me casses les oreilles avec tes hurlements. Tu viens? Mais c'est merveilleux. Oui. Mais c'est sûrement ce qu'il y a mieux à faire, mon bon ami. Alphonse! Hé, hey, Alphonse! Apporte le manteau de chapeau de ton maître! Tout de même, tu m'avoueras, tu es un drôle de pistolet. Il n'est pas possible de s'entendre avec toi. Tu te mets en colère pour un rire. Bon, si, sans même respecter les usages. Allons, mon bon, n'y pense plus, c'est fini, je ne t'en veux plus. Partons! Oh! trèfle, deux de carreau. Valet de trèfle, un, deux, trois. Un certain roi de carreau s'intéresse à... Un, deux, trois. Avis de cœur, une lettre d'amour. Un, deux, trois. Un roi de trèfle s'intéresse à... Un, deux, trois. Une mauvaise femme. Qui est ce roi de trèfle? Trèfle... L'argent. Un, deux, trois, je ne vois pas. Moi, je vois qui c'est. Qui? Mais ce brave cacaillé cordon en bois. Oh, certainement non. Je suis sûre que ce n'est pas lui. Ne discute pas. Un roi de trèfle, de l'argent, ce ne peut être qu'un cacaillé. Pardon, ici le roi de trèfle veut dire noble. Il y a une grande différence entre un roi de trèfle et un cacaillé. Oh, si ton pauvre père vivait encore, tu ne parlerais pas comme ça. Jamais je n'épouserai un cacaillé. Cordon en bois, pourtant, n'est pas si mal. Inutile d'insister, je ne veux pas épouser un cacaillé à barbe. Quand il mangera de la soupe, elle lui coulera sur la barbe. Non, non, ça je ne veux pas. Mais alors, où trouver un noble? Des nobles, on ne les trouve pas sous le pied des chevaux. Tranquille soit, Léonie de Morbois nous trouvera une occasion et nous l'a promis. Une occasion de premier choix. C'est une menteuse, une vieille saleté. C'est honteux, ma Pétronille, de calomnier les gens. Moi, une vieille saleté, vous n'avez pas honte? Oh, madame Léonie, on avez-vous un? Parlez, racontez. Ah, j'en ai un, enfin. Oh, laissez-moi d'abord me retrousser. Ouf, je n'ai fait que courir et me démantibuler. Je me suis traînée de ministère en ministère, de corde de garde en corde de garde. Je vous en apporte une tripotée. Oh. Et des prétendants comme ces mecs-là, on n'en trouvera plus d'ici longtemps. Oh. Quelques-uns vont s'amener aujourd'hui. Je me suis grouillée pour vous l'annoncer. Oh. Aujourd'hui, mon Dieu, mais madame Léonie, mais j'ai peur, terriblement peur. N'ayez pas la trouille, ma bonne enfant, la vie est la vie. Qu'est-ce que ces zèbres viennent faire? Ils s'amènent... Hirluc, et puis c'est tout. Oh. Vous n'avez vous aussi qu'à bien hirluquer. Si vous débêtes, ni vu ni connu, ils se débinent. Oh. Je me permets d'espérer que ce sont les meilleurs zèbres que vous nous avez pêchés. Oh, combien en avez-vous pêché? Beaucoup? Six. Ils sont six. Oh, c'est trop tout de même. Mais comme ça, vous pourrez choisir. Et ce sont des nobles? Plus nobles que père et mère. Une brochette. Oh, qui sont-ils? Comment sont-ils? Mais parlez, racontez. À croquer. Oh. Mignon. On les sucerait. Et très correct, sûr de cire. Le premier, Balthazar le Chicard. Un beau garçon, oui. Marin. Oh. Il vous ira comme une paire de bas. Il m'a dit qu'il voulait une fiancée bien en chair. Il n'aime pas les souris plates comme des affiches. Il y a aussi Barnabé du Pied de Veau, un sous-chef de bureau, mais un homme très imposant. Si digne qu'on ose à peine lui faire de boniments. Très gros. Il a tout de suite gueulé. Oh, pas d'histoire à la petite mère. Pas de la fiancée comme ça et comme ça. Alors, combien d'immeubles, d'argenterie, d'économie? Et il a ajouté un mot qui n'est pas fait pour vos oreilles, ma petite dame. Ah, j'avais tout de suite repéré que c'était un homme très chic. Hein. Et les autres? Il y a aussi Monsieur la Doucette, Charles-Édouard. Ah. Un homme plein de délicatesse, tout sucré, tout doux et gentil. Oh. Moi, je voudrais, qu'il m'a dit doucement, que la fiancée soit bien de sa personne, qu'elle ait de l'éducation et qu'elle sache l'anglais. Oh. Elle aime tout ce qu'il y a de raffiné. Et des jambes longues et fines, délicates. Mon Dieu, un homme si délicat, je méfie. Ah, mais si vous voulez quelque chose de plus solide, prenez le plus gros du pied de veau. Hein? Impossible de mieux choisir. C'est du cousu humain et costaud. Costaud à ne pas pouvoir entrer par cette porte. Oh. Quel âge a-t-il? Encore jeune. 50... à 55 ans. Ah, mais même je ne sais pas s'il les a encore. Et comment se nomme-t-il? Il s'appelle Barnabé du pied de veau. Oh, on n'a pas dû de s'appeler comme ça. Voyons, madame Léonie, si je l'épouse, je m'appellerai brusquement madame Aglaé Barnabé du pied de veau. Mais quelle horreur! Ben, si ce nom vous déplaît, prenez Balthazar le Chicard, un fiancé à l'ardresse. Comment sont ses cheveux? Les cheveux sont bons. Et le nez? Tout à fait à sa place, au-dessus des lèvres. Un homme bien. Vraiment tout ce qu'il y a de bien. Seulement... Oh, vous fâchez pas. Une pipe. Une belle et unique pipe représente tout le mobilier qu'il possède. Oh. Il n'a rien d'autre. En avez-vous encore? Peut-être Stéphane d'Outremanche. Inspecteur. Un peu bègue, mais fonctionnaire tout de même. Fonctionnaire, vous dites? Toujours des fonctionnaires. Dites-nous plutôt s'il n'aime pas un peu trop boire. C'est cela qui est important. Pour ce qui est de boire, il boit. Mais il est inspecteur. Et doux, doux, doux, comme de la soie. Non, non, non, je ne veux pas d'un ivrogne. Mais voyez, c'est pas un crime que de boire un coup de temps en temps. Et puis, il n'est tout de même pas sous d'un bout de la semaine à l'autre. Il y a même des jours où il se tient très bien sur ses jambes. Et qui sont les autres? Il y en a bien encore un autre. Oui, oui. Mais celui-là, laissons-le. Non, non, non, qui est-ce? Qui est-ce? Je préfère ne pas vous parler de lui. Certes, il est chef de division, décoré, mais... mais c'est un cul de plomb. Pour le faire remuer, celui-là, oh là là! Et qui d'autre? Vous n'avez parlé que de 4 et vous aviez dit 6. Vous n'en avez pas assez? On peut dire que ça vous démange. 4 nobles et 4 fonctionnaires. Nous en avons déjà assez de vos nobles et de vos fonctionnaires. Un quincaillier vaut tous vos nobles. Oh! Pour sûr que non! Un noble, voyons, même Pétronille. C'est tout même plus chouette qu'un quincaillier. J'ai bien cru entendre sonner. Mon Dieu! Et voilà, ce sont eux. Mais qui eux? Mais les prétendants. Seigneur, Seigneur, ayez pitié de vos enfants. Les voilà. Oh. Et le salon qui n'est pas rangé. C'est une catastrophe. Les tasses à glaïe et la corbeille à ouvrage. Les coussins. Seigneur, protégez-nous. Maintenant, je ne suis pas habillée. Il me semble que je suis en chemise. Je n'ai rien à mettre. Va t'habiller, ma chérie. Cours vite, cours vite. Je vais ouvrir. Dépêche-toi. Mais pas encore. Mais ma tante, mon Dieu, m'a revenu par passer. Dieu miséricordieux, ne perdez pas vos servantes. Vite, Aglaï, va mettre ta robe rose. Mais qu'est-ce qu'il faut, Mme Pétronille, avec tout ce bassard dans les bras, voyez. Malheur, nous sommes perdus. Oh, allez ouvrir, madame, allez ouvrir. Ces dames sont-elles chez elles? Oui. Veuillez vous donner la peine d'entrer. Merci. Dieu, qu'il est gros. Il vient. Je le sens. Veuillez attendre ici, je vais prévenir ces dames. Merci. Eh bien, puisqu'il faut attendre, attendons. Pourvu que cette cérémonie soit pas trop longue. J'ai quitté mon bureau pour 3 secondes. Si le ministre demande où est le sous-chef de bureau et qu'on lui réponde il est allé faire l'inventaire de sa fiancée, je crois que la fiancée passerait un mauvais quart d'heure. Enfin, relisons un peu le bilan de la dot. Un immeuble en pierre, bon. 2 ailes, bon. L'une en bois, bon. L'autre avec des fondations en pierre, exact. Mais l'aile en bois ne vaut rien, mauvais. Une calèche, une voiture à 2 chevaux en bois sculpté. Pourvu que ce traîneau n'exige pas des réparations. Toujours cher, les réparations. Enfin, j'admets. L'argenterie. L'argenterie. 2 douzaines de cuillères en argent. Bon, dans une maison, on a besoin d'argenterie. Mais tout de même pas tous les jours. 2 couvertures en peau de renard. 4 grands lits. 2 douzaines de robes de soie. 2 douzaines. Bon, je veux bien. 12 de coton. Ces détails ne m'intéressent pas du tout. Passons. 15 paires de draps, 6 douzaines de serviettes. Il faudrait tout de même que je vérifie cet inventaire. Les promesses. Toujours les promesses. Et puis, le lendemain du mariage, on trouve plus que des duvets. Ces dames sont-elles chez elles? Oui, veuillez vous donner la peine d'entrer. Veuillez attendre ici, je vais prévenir ces dames. Monsieur. N'est-ce pas au père de la charmante maîtresse de maison à qui j'ai l'honneur de parler? Nullement, non, je suis pas le papa. En fait, j'ai pas encore d'enfant. Toutes mes excuses les plus plates. Pas encore d'enfant, quel dommage. La tête de ce type ne me revient pas, elle me donne même le hoquet. Je suis en train de me demander s'il est pas venu dans cette maison pour le même motif que moi. Vous désirez sans doute, monsieur, voir la maîtresse de cet immeuble. Mais moi, pas du tout, je montais comme ça, histoire de me promener. Il ment comme il respire, se promener. Il veut se marier, c'est certain. C'est ces dames sont chez elles. Oui. Oui. Veuillez vous donner la peine d'entrer. Oui, je vous en prie, Madame Léonie, donnez-moi un petit coup de brosse. Ah ben, je veux bien, oui. Brossez les cheveux, non, c'est ça. C'est insensé ce que la poussière de nos jours, la poussière des rues, veux-je dire, colle sur les habits. C'est plus la poussière d'avant-guerre, vous savez. Et pourtant, mon habit est d'un drap magnifique. Je l'ai acheté en 25. Quand mon escadre mouillée au large de la Sicile. Là, merci. J'en fis un uniforme en 33 pieds. En 38, quand je pris ma retraite, j'en fis un habit. Si ça continue, je vais en faire un cache-colle. Enfin, voilà 13 ans que je le porte et les bords en sont très bien usés. Il est plus comme neuf. Ah, oui. Merci, merci, Madame Léonie, merci. Vous êtes un ange brosseur. Oh, je vous en prie. Oui. Oui. Pardonnez-moi, vous venez de parler de la Sicile, n'est-ce pas? Comment? Vous venez de parler de la Sicile. De la Sicile. Oui, de la Sicile, hein? Oui. Oh, c'est une belle contrée. Oui, hein, oh, Sicile. Merveilleuse, merveilleuse, la Sicile, pensez. Oui. Nous y avons passé, voyons, 33 jours et demi. Oh. Oui, 33 jours et demi, oui. Oh, une vue admirable, vous pouvez me croire. Des montagnes, des arbres et puis des petites italiennes, de vraies roses. Mais sont-elles instruites? Comment? Sont-elles instruites? Sont-elles instruites? Instruites? Les italiennes? Oui. Parce qu'elles sont instruites. Non, mais merveilleusement, monsieur. Mais chez nous, il n'y a que les duchesses qui en savent autant, monsieur. Oui. Ah oui, mais permettez-moi de vous poser encore une question. Je vous en prie. Mais quelle langue parlent ces petites roses de Sicile? Ah ben, l'anglais, naturellement, l'anglais. Ah bon, l'anglais, oui. Ah, toutes les jeunes filles, sans exception, parlent l'anglais. Ah, toutes, ah oui, oui, ah, oui, oui, à toutes, sans exception, oui, ah oui. Vous me croirez si vous voulez, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, nous y sommes restés 33 jours et demi en Sicile, et je n'ai entendu parler qu'anglais. Oui. Seulement anglais? Ah oui, toujours l'anglais, oui, oui, oui, oui. Oh, mais nous comprenions fort bien. Ah, si, tenez, quand je leur montrais une bouteille et un verre, ils devinaient aussitôt que je voulais boire. Ah oui, oui, oui, oui. Je portais mon poing à mes lèvres et je faisais... Eh bien, immédiatement, il comprenait que je désirais fumer. Oui. Je constate que la vie à l'étranger est vraiment intéressante. Très intéressante. Je suis très heureux de connaître un homme comme vous, ayant beaucoup voyagé. À qui ai-je l'honneur de parler? Lieutenant de vaisseau en retraite, le Chicard. Le Chicard, Balthazar. Oui, lui dans l'intimité. Veuillez me dire également, n'est-ce pas, à qui j'ai l'honneur? Sous-chef de division du pied de veau. Oui, non, merci, non, je viens de déjeuner, n'est-ce pas? J'ai avalé un sandwich en vitesse, mais enfin, merci tout de même. Non, je crois que vous avez mal compris. Ah oui? Du pied de veau, c'est mon nom de famille. Oh, je vous demande pardon. Il m'a semblé comprendre que vous me proposiez de me restaurer. Oh, en effet, c'est un nom difficile à porter. Ah, ça j'avoue, ça j'avoue. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai voulu demander au Conseil d'État de changer mon nom. Oui, en celui de Dupétard. Mais on m'en a dissuadé. Dupétard. Ce nom, paraît-il, aurait fait peur. Ah, ça, Dupétard. Eh, Dupétard. Dupétard. Vous savez ce que c'est. Évidemment, c'était un nom, comment dirais-je, Dupétard, enfin, un nom percutant. Ah, voilà le... C'est ça. En avant, mon ami. Souviens-toi de ce que je t'ai corné aux oreilles. Courage. N'oublie surtout pas. Mais quel monde! Quelle assemblée! Sont-ce par hasard d'autres fiancés? Hé, hey, Madame Léonie, où avez-vous déniché tous ces crabes? Alors, ce sont pas des crabes, mais de bien bonnes gens! Des fauchés, des galopeurs de notes, des enflés aux poches trouées, mais plus vite que ça! Allez, où est-elle? Hein? Pourquoi ne vient-elle pas? Vous n'avez pas honte de regarder par le trou de la serrure? Permettez, hein, j'aimerais à mon tour. Jetez un petit coup d'œil. Mais, je vous en prie, chacun son tour. Je vous dis qu'on n'y voit rien. C'est impossible de s'y reconnaître. Je ne sais pas si c'est une femme ou un oreiller. Attention! Allez vite, Allons, Aglaé, ma chérie, ne sois pas timide. Puis-je vous demander, messieurs, quel est l'objet de votre visite? J'ai appris en lisant une annonce dans un journal que vous désiriez vendre des meubles. Je suis venu les examiner, vous demander si vous accepteriez de les vendre à crédit. Je ne vends rien à crédit, mais asseyez-vous tout de même. Merci. À qui ai-je l'honneur de parler? Du pied de veau, sous-chef de bureau. Asseyez-vous. Et vous, à qui est l'honneur? Eh bien, laisse-moi, j'avais lu dans un journal une annonce, oui. Et je me suis dit comme ça, laisse-moi tout go. Et de rechef, pourquoi, par ce beau temps, n'irais-je pas me renseigner, n'est-ce pas? Et quel est votre nom? Lieutenant de vaisseau en retraite, Balthazar, le Chicard. Veuillez vous asseoir. Oui, le Chicard. Et vous, monsieur? Je suis votre voisin et comme j'habite tout près... Vous habitez la maison d'à côté? Non, j'habite plutôt la banlieue. Mais comme j'ai envie de déménager bientôt dans votre quartier, je suis votre voisin virtuel. Mon nom est Charles-Édouard Ladoucette. Prenez place. Mais vous, monsieur? Moi? Oui, vous. Mais vous ne me reconnaissez donc pas? Non. Ni vous, mademoiselle? Je ne crois pas vous avoir jamais vu. Oh, mais c'est inouï. Essayez de vous souvenir. Voyons. Chez nos amis pas 203, peut-être. Précisément, chez les pas 203, un soir, à la tombée de la nuit. Ah. mais n'est-ce pas plutôt chez les Andrieux-Villemorin? Mais oui, chez les Andrieux-Villemorin. C'est oui. Un truc. Chez les Andrieux-Villemorin. Oh, les pauvres gens. Vous ne savez pas ce qui leur est arrivé? Un accident terrible. Mais oui. Elle s'est mariée et ça ne pouvait pas finir autrement. Oui, mais non, si ça n'était que cela. Mais la pauvre s'est cassée la jambe. Et gravement. Le conducteur était comme les autres, complètement sous. La voiture a versé. Mais oui, je me souvenais vaguement qu'il y avait eu un mariage ou un accident de ce genre dans la famille. Oui, oh. Ah oui, mais enfin, les apparences ne sont pas faites pour les chiens. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Mais voyons, mais souvenez-vous, Gustave Adolphe, je te bouscule. Nous sommes même parents. Ah. Ma femme et sa belle-sœur, sa petite cousine me parlent toujours de vous. Oh. Hein? Mais permettez-moi de vous présenter mon ami Alcide Levasillant, chef de division, un haut fonctionnaire, chargé de la coordination des fonctions, de l'administration des conciliations des obligations. Il est célèbre pour avoir perfectionné certaines régularisations des décisions des présentations. Rappelez-moi son nom de famille. Le Vacillant, Alcide, chef de division. Et il s'occupe de tout dans son administration. Un vrai chef de division, une autorité pour les autorisations. Très bien. Veuillez vous asseoir. Le temps est vraiment bizarre. Très bizarre. Oui. Aujourd'hui comme hier et comme demain. Très bizarre. Ce matin, on aurait juré qu'il allait pleuvoir. Ouais. Et maintenant, le temps semble s'en remettre au beau. Voilà. C'est bizarre. Bizarre. C'est bizarre. Tout ce qu'il y a de plus bizarre. Fait. Comme c'est vrai. Merci. C'est la vie. C'est tellement vrai. Bah. Après la pluie, le beau temps. Ce n'est pas très agréable. Et non. Comme vous avez raison. Et pas comme en Sicile. C'est pas bizarre en Sicile. Non. D'ailleurs non, puisque c'est en Sicile. D'accord. C'est pas bizarre, c'est pas en Sicile. oui, en Sicile, oui, nous y étions au printemps. Tiens. Oui, au printemps, oui. Voyez-vous et ça. Ici, voyez-vous, vous sortez de chez vous par un beau soleil. Et puis c'est la pluie. Et la pluie, quoi. La pluie. La pluie. Ce qui est désagréable, c'est quand qu'il faut rester chez soi. Ah voilà. Oui. Tandis que quand on est marié, oui. C'est une autre affaire. Ah, voilà. On s'ennuie pas. Ben, voilà. Mais la pluie et la solitude. C'est la mort, n'est-ce pas? Oui, la mort sans phrase. Oui, alors, on peut le dire en effet. On peut le dire, oui. Ah, que dis-je le dire? La fermer. C'est atroce, abominable, aberrant. Comment? Aberrant, disais-je. Aberrant. Que le Seigneur Tout-Puissant nous épargne une pareille épreuve. Oui. Mademoiselle, puisque vous êtes de notre avis, si vous aviez à choisir pour vos flammes quelques objets, excusez-moi de vous faire directement mon rapport, mais quelle est la fonction dans l'administration et l'organisation de la présentation? Que vous choisiriez? Oui, permettez, excusez mademoiselle si je vous demande pardon, mais choisiriez-vous pour mari un homme qui serait, comment dirais-je, sur le bout du doigt, la météorologie? Non, non, à mon avis, le meilleur mari est celui qui assure la coordination des directions de l'administration. Ce sont d'intolérables préjugés. Mais pourquoi être indifférent à l'égard d'un homme qui... Même s'il a fait sa carrière dans l'infanterie, et tout de même est néanmoins capable d'apprécier ceux qui, par exemple, savent se conduire dans le monde. Oui. Voilà le problème. Oui. C'est à vous, mademoiselle, de le résoudre. Si ceci se situe si silencieusement, je pense que... Ma tante, je meurs de honte. Je meurs, je vais me sauver. Je me sauve. Reçois-les à constater qu'elles sont parties. Ah, ça ne fait aucun doute. Mais et qu'est-ce que ça signifie exactement, Robert? Il a dû arriver quelque chose. Oh, vous savez, peut-être s'agit-il que d'un discret féminin. Quelques dessous, enfin, un jupon qui se... une épingle par-ci, une agrafe par-là. Un petit rien, quoi. Ah, Madame Loli, vous allez tout nous expliquer. Pourquoi s'est-elle sauvée? Vous l'avez intimidée? Vous l'avez fait rougir? Et elle vous demande à tous de revenir ce soir prendre une tasse de thé. Adieu, messieurs. Une tasse de thé, c'est embêtant. Au fond, voilà pourquoi j'ai toujours horreur de ces demandes en mariage. Trop d'histoires. C'est toujours revenez demain. Une tasse de thé. Vous en foutrez, moi, des tasses de thé. Et la même chose le surlendemain. Et puis, il faut encore réfléchir. Je vous prie deux. Pour un mariage, pour une chose insignifiante, somme toute, pour laquelle il est vraiment inutile de se couper les ménages en quatre. J'ai tout de même un peu de présence à faire à mon bureau. J'ai pas toujours le temps de m'amuser. Une tasse de thé. Elle est tout de même pas mal roulée, la petite. Bon, pas mal roulée, c'est selon, tu sais. Comment pas mal roulée? Mais elle est même très bien roulée. Est-ce que cet imbécile serait amoureux? Bien roulé peut-être, moche sûrement. Elle a un nez trop gros, tout de même. Oh, pardon, moi j'ai pas tellement remarqué son nez, mais c'est une vraie petite rose. Ben, j'avoue que je n'ai pas tellement le nez, mais je me demande si elle a quelque habitude du monde. Sait-elle, par exemple, parler anglais? Mais si vous désirez le savoir, pourquoi ne vous pas parler anglais? Je ne sais pas moi-même parler anglais. Hein? Mon père fut une franche canaille, un misérable, qui n'a même pas pensé à me faire apprendre l'anglais. C'est affreux. Alors, quand j'étais encore enfant, c'était facile. Il eût certainement suffi de me fesser à tour de bras et j'aurais appris. Sans aucun doute. Ah, oui, c'est atroce. Ah oui, c'est atroce, oui. Ah, oui. Mais alors, je ne vois pas dans ces conditions pourquoi votre future femme doit savoir parler anglais. Ah, vous ne voyez pas, mais pardon, voyons. Une femme, c'est une autre affaire. Mais il faut absolument qu'elle sache parler anglais. Oui. Ah, sinon, ben, elle ira par-ci, elle ira par-là. Et rien n'ira comme je souhaite. Enfin, et ça ira atrocement. J'en ai assez. J'avais filé en douce et examiné très attentivement pendant qu'ils discutent de choses et d'autres. La maison et les bâtiments. Si c'est aussi solide que la mère Léonie me le dit, je reviendrai ce soir. Pour la tasse de thé. Ces prétendants, après tout, sont maigres comme des harengs. Les femmes aiment pas ça, les harengs. Dites donc, vous partez? Oui. Ben dites donc si on allait fumer une bonne pipe, hein? Notre route est la même, nous passons devant le Café des Roses. Non, devant le Café des Interprètes et du Peuplier. Oui, ça fait le coin. Oui, c'est la même chose, ça fera un petit détour. Ouais. Mais j'essaie de vous accompagner. Salut, messieurs. Attendez-moi, j'habite tout à côté de chez vous, en banlieue. Ah, je veux bien vous accompagner, mais vous savez, ça fera un fameux détour. Ouais. Pardon, monsieur. Merci, monsieur. Et nous? Que faisons-nous ici, nous? Hein? Nous devrions nous en aller? Ça serait plus digne? La maîtresse de maison n'est-elle pas exquise? Pas tellement extraordinaire, tu sais. Et toute réflexion faite, j'avoue qu'elle me plaît guère. Eh ben, mon ami, tu vas tout de même un peu fort. Il y a pas 3 minutes, tu m'as dit qu'elle était ravissante. Mais c'est une façon de parler. Tout de même, elle a le nez un peu trop gros. Et puis, elle sait pas l'anglais. Mais tu deviens complètement fou, l'anglais. Non, mais je te demande un peu. Mais quel besoin as-tu de l'anglais? Mais une fiancée doit toujours savoir parler l'anglais. Voilà. Et pourquoi donc, s'il te plaît? Mais parce que... Est-ce que c'est, moi? Moi, c'est l'usage, c'est la coutume. Vas-y, continue, tu exagères. Il suffit que le premier imbécile venu dise une bêtise pour que tu la répètes aussitôt comme un perroquet. Moi? Voyons, elle est belle, d'une beauté qui... elle est belle. Tu trouves pas une jeune fille qui lui ressemble, elle est belle. Mais elle m'a toujours paru charmante, mais en effet, mais j'ai aperçu son nez. Il est trop long. Comment dirais-je? Trop long? Moi, je l'ai vu trop long, écoute. Ah, tu es malin. Décidément, mon ami, tu n'es pas très fort. Tu ne comprends pas qu'il te manœuvre? Non, ces prétendants racontent tous des histoires pour te décourager. Tu es le roi des nigauds. Tu ne l'as donc pas regardé? Elle est belle. Crénom de nom de nom d'un chien, mais quels yeux, quelles lèvres, quelles oreilles. Elle est belle. Quel buste, quel reste, et même son nez. Son nez, il est blanc comme de l'albâtre. Hein? Regarde bien son nez la prochaine fois. Tu trouves vraiment que... Comment si je trouve? Je suis affirmatif! Tu as peut-être raison. Au fait, oui, je la vois maintenant comme si elle était jolie. En effet, elle est jolie. Oui, elle est jolie. Et maintenant, allons la voir, expliquons-nous et finissons-en. Ah non, par exemple, c'est impossible. Pourquoi donc? Mais ça serait une imprudence. Les prétendants sont nombreux, c'est à elle de choisir. Je te prie de ne pas t'occuper des autres. Craindrais-tu la concurrence par hasard? Veux-tu que je me débarrasse d'eux en une seconde? Te débarrasser d'eux en une seconde, mais comment feras-tu? Ça me regarde. Seulement? Seulement? Seulement jure-moi que tu es bien décidé, que tu ne reculeras pas. Je veux bien te le jurer, soit. Toute réflexion faite, je suis décidé à me marier. Jure. Je te le jure. Ah, enfin! Difficile de choisir. Si encore il n'y en avait que deux ou un, mais quatre, il faut choisir. C'est absolument indispensable. Oh. Barnabé n'est pas mal de sa personne. Un peu gros peut-être. Balthazar a des manières élégantes. Oh, mais un peu brusque. Charles-Édouard n'est pas vilain. Il est doux. Il est maigre. Il y a aussi Alcide. Très imposant. Il possède certainement des qualités, mais voilà. Lesquelles? Oh, j'ai la migraine à force de réfléchir. Je me demande s'il ne vaut pas mieux tirer à la courte paille, m'abandonner à la volonté de Dieu. J'épouserai celui qui sera marqué par le destin. Je vais écrire leur nom sur des petits bouts de papier. Je déroulerai, puis advienne que pourra. Tant pis. La situation d'une jeune fille est vraiment trop difficile. Surtout quand elle est amoureuse. Ah. Ainsi, tous ces petits papiers sont dans ma main. Oh, mon cœur bat. Hélas, il n'en faut qu'un seul. Un seul absolument. Oh. Si je dirais le nom de Balthazar. Ou Barnabé. Ou peut-être Charles-Édouard, ou encore Alcide, oh non. Oh non, je ne peux pas. Il faut que le destin... Non, non, non, choisissez Alcide. Alcide, le meilleur. Oh, taisez-vous, mais... Non, non, mais pourquoi avez-vous peur? Ne craignez rien, choisissez mon ami, le chef de division, Alcide le vacillant. Mais mon Dieu, quelle honte, vous avez tout entendu. Non, mais oui, mais aucune importance, je suis de la famille. Hein? Alors choisissez Alcide, c'est un homme remarquable. Oh, remarquable, il a perfectionné certaines méthodes aux divisions de l'administration. Un être exceptionnel, vraiment. Mais écoute, mais l'autre, Barnabé, hein? C'est aussi un homme remarquable. Le dernier des imbéciles, si on le compare à mon ami Alcide, voyons. Mais pourquoi dites-vous cela? C'est extrêmement simple, Alcide est un homme, comme on en voit peu. Peut-être, mais Charles-Édouard. Ha ha, Charles-Édouard, c'est tout simplement un crétin. Et ils sont tous des crétins. Tous vous exagérez peut-être. Mais voyons, mais réfléchissez, non, mais comparez. C'est Alcide, le vacillant, les autres, les Barnabé, les Balthazar, les Charles-Édouard. Ha ha, ce sont des... Comment vous dites? Je dis des... Ah, oui, mais pourtant je vous assure qu'ils sont très modestes. Modestes, vraiment, des casseurs d'assiettes, des querelleurs. Vous voulez donc être battu comme plâtre le lendemain même de vos noces? Seigneur, ce serait terrible, mais qu'en dirait-on? On ne pourrait pas trouver de pire mari que ces bandits, tandis qu'Alcide... Ah, alors vous me conseillez d'épouser monsieur le vacillant? Vous avez deviné, c'est le meilleur choix. Alcide, mon ami, Alcide. Oh, Peut-être, mais il faudra cependant que je revoie les autres. Oui, évidemment, oui. Oh, oui, oui, j'aurais honte, monsieur, c'est affreux. Oui, ben, vous n'aurez qu'à leur dire que vous êtes trop jeune pour vous marier, voilà. Ah, mais ne me croiront pas, ils ne cesseront pas de me demander pourquoi. Mais il n'y a qu'une seule chose à faire pour en finir d'un seul coup, attendez. Alors, dites-leur tout simplement, hors d'ici, tas d'imbéciles. Mais je ne saurai jamais. Vous essayerez, cet enfantin, je vous promets qu'ils ne se feront pas dire deux fois. Ils fileront et en vitesse. Ne croyez-vous pas que cela paraîtrait un peu grossier? Mais ça ne fait rien. L'important, c'est que vous ne les voyez plus. Tiens, voilà un qui revient. Je ne veux pas me rencontrer avec lui. Alors, soyez calme. Hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ils comprendront tout de suite. À bientôt. Je suis venu un peu en avance, mademoiselle. Mais c'est tout à fait intentionnellement. Je voulais parler avec vous seul, d'homme à homme. Vous connaissez ma situation. Je suis sous-chef de bureau, estimé de mes supérieurs, considéré par mes inférieurs. En somme, il ne me manque qu'une chose, une compagne pour la vie. Oui, très bien, très bien. Cette compagne, je crois l'avoir trouvée. Devinez, c'est vous. Répondez, est-ce oui, est-ce non? Je suis bien jeune encore pour me marier, je ne suis guère tentée de le faire. Ah, vraiment? Alors pourquoi votre madame Léonie court-elle partout et s'agite-t-elle comme une guêpe? Pouvez-vous m'expliquer cette attitude de quémandeuse? Oh, que diable emporte les visiteurs indiscrets! Impossible de parler d'affaires tranquillement! Veuillez m'excuser, mademoiselle, je suis peut-être un peu en avant. Ah, monsieur du pied de veau est déjà arrivé. Alors, mes respects, mon cher du pied de veau. Va te faire foutre avec tes respects. Pardon? Alors, mademoiselle, est-ce oui ou est-ce non? Oh, encore, nom de Dieu! Je suis confus, mademoiselle, absolument confus. Je crois que je suis venu peut-être un peu plus tôt que les convenances ne l'autorisaient. Tiens, lève-le à l'autre. Oui, non, mais ça va être complet, oui. Oh, Seigneur! Ils sont déjà là. Venez là, oui. Mes respects, messieurs. Tu peux les bouffer, tes respects. Je vous en prie, mademoiselle, décidez-vous. Je suis un homme très occupé. J'ai pas de temps à perdre. Oui ou non? Il ne faut pas. C'est inutile et futile. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Absolument rien. Et puis, hors d'ici. Hein? Oh, Seigneur, qu'ai-je fait? Comment hors d'ici? Que signifie ce hors d'ici? Permettez-moi d'insister pour savoir ce que signifie exactement hors d'ici. Répondez-moi, ou je serai malheur. Il va me battre, il va nous battre, il va nous battre. Oh, voilà une histoire. Oh, vous parlez d'une aventure. Mais pourquoi hésites-tu? Mais tout d'abord, rentre le premier, toi. Mon lancet de soulier est défait. Il faut que je le renoue. Je te connais, mon bon ami. Tu vas en profiter pour filer, hein? Mais non, je ne filerai pas. Je te le promets. C'est bien le moment de t'occuper de ton lacet. Dites-moi, mon bonhomme, là. Elle est un peu idiote, la fiancée. Oui, en effet, oui, mais qu'est-ce qui est donc arrivé? Ah, sa conduite est pour le moins étrange. Elle vient de se sauver en glapissant. Il va me battre. Mais sa réputation d'idiote est assez bien établie. Vous êtes son parent, n'est-ce pas? Parfaitement. Alors, vous pourrez me dire s'il y a longtemps qu'elle souffre de cette imbécilité? Depuis sa plus tendre enfance. Ah, c'est fâcheux, évidemment. Il serait préférable sans doute qu'elle soit un peu plus intelligente, ou seulement sotte. Oui, sotte. Oui, à condition que le montant de sa dot soit bien celui que l'on m'a indiqué. Ça quoi? Sa dot. Sa dot, mais elle ne possède pas un sou. Comment pas un sou? L'immeuble en pierre. Mais il n'empire que sur le papier. C'est un amas de gravats, de tôles ondulées, de papier goudronné et de toutes sortes d'autres saletés. C'est pas possible! Mais comment pas possible? Mais puisque je vous l'affirme. Oh, mais comment se fait-il que cette sacrée Léonie m'y racontait toutes ces histoires? Oh, la vieille garce! Oh, le chameau! Permettez-moi, monsieur, de vous poser aussi une question. Ne connaissant pas l'anglais, je dois vous avouer qu'il m'est fort difficile de juger de la façon dont une femme parle cette langue. Cette jeune fille parle-t-elle? Mais elle ne sait pas un mot d'anglais. Mais pas un traître, non. C'est pas possible. Mais comment pas possible? Mais je sais tout de même de qui je parle. Ma femme et Aglaé ont été élevées dans la même pension. Et la pauvre petite fut toujours une très mauvaise élève. Et toujours zéro en anglais. Oui, eh bien, cela ne m'étonne pas. Non, j'ai eu le pressentiment, lorsque je la vis pour la première fois, qu'elle ne savait pas l'anglais. Moi, je me fiche pas mal de son anglais. Mais ce chameau de Léonie, vous pouvez pas imaginer ce qu'elle m'a raconté. Un immeuble en pierre de taille, avec deux ailes, une écuyère en argent, et une voiture. Et je t'en raconte, et en avant la musique, et boum et boum. Un vrai roman. Oh, sale garce! Tu vas voir. Venez ici, madame Léonie. Savez-vous que vous êtes un vieux chameau? Je n'ai pas bien, madame, de m'avoir menti de la sorte. Mais je comprends pas ce que vous dégoisez. Et puis gueulez pas comme ça, vous me cassez les pieds. Le fameux immeuble n'est qu'un amas de gravats et de tôles ondulées. Vous m'avez menti avec vos pierres de taille. C'est pas moi qui l'ai construit. Tant de vieilles saletés. Vous n'êtes qu'un chameau. Dites-donc, non mais sans blague. Vous osez m'insulter? Un autre me remercierait pour toutes les démarches que j'ai faites. Oh, madame Léonie, pourquoi m'avez-vous dit qu'elle sait parler l'anglais? Mais c'est tout que je vous dis, tout! L'anglais, l'espagnol et toutes les langues! Oh, et puis les belles manières! Les belles manières! Je vous en ficherai des belles manières! J'avais déposé une plainte! On n'a pas idée de berner les honnêtes gens! Vous entendrez parler de moi, vieille honte remetteuse! Et ce n'est qu'un au revoir! Adieu! Je dois avouer, madame, que je ne vous aurais jamais cru capable de nous tromper ainsi. J'avais su que cette jeune fille manquait à ce point d'éducation, je suis sûr que je ne me serais jamais présenté dans cette maison, puisqu'il en est ainsi. Je n'ai plus qu'à me retirer. Adieu. Oh là là là là, ils sont noirs, ils ont trop bouffé, trop bu. Mais qu'est-ce qu'il en faut à ces messieurs? C'est l'instruction qui les a rendus fous. Oh, c'est bien joué. Mais qu'est-ce qu'il a ce marré, ce voilà? Mais il est cinglé, ce type. Ah, madame Léonie! Ah, bon, on peut dire que vous avez bien réussi! Oh, vous êtes vraiment forte! Oui, mais pas quand il s'agit de marier les gens! De plus en plus cinglé! Sa mère a dû devenir folle quand elle l'a mis au monde! Je peux faire m'en aller, moi! Oui, allez-vous-en, allez, ça vaudra mieux! Oh, non, ça, là. Oh, ça, c'est trop drôle! C'est votre nature joyeuse. Vous êtes un vrai bouc en train. Un bout en train, pardon. Mais oui. Quand je pense que cet imbécile voulait se mêler de marier les gens, elle n'y entend absolument rien. Mais rien. Tandis que moi, je sais comment vivre. Non, vraiment? Vous êtes capable d'arranger un mariage? Quelle question! Mais je suis sûr que je marierai un jeu. Mais n'importe qui, n'importe qui. Ah, bah la chiche! Ah, bah alors la chiche! Eh bien, mariez-moi à la jeune fille de la maison. Vous? Oui, moi. Mais pourquoi voulez-vous vous marier? Hein? Quelle drôle d'idée! Comment? Pourquoi? Enfin, écoutez, permettez-moi de vous dire que votre question est plutôt bizarre, enfin. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on se marie? Non, mais vous avez bien entendu. Oui. Elle n'a aucune date. Oui. Eh bien, à l'impossible d'une lettre. Évidemment, c'est ennuyeux. C'est très ennuyeux, même. Enfin, cette jeune fille me plaît. On peut tout de même vivre avec elle sans dot. Tenez, dans cette petite chambre, avec un petit vestibule, un petit grand salon, une petite salle à manger, une bonne petite cave. Mais qu'est-ce qui vous plaît donc en elle? Elle est plutôt grassouillette, hein? Et moi, j'ai un indéniable penchant pour les femmes un peu replètes. Non, mais vous, hein, vous ne devez pas vous marier. Qui, moi? Je ne dois pas me marier? Alors, non, mais enfin, pourquoi pas? Parce que... Parce que vous quoi? Vous ne devez pas vous marier. Je ne te vois pas marier, pourquoi ne te pas marier? Parce que... Mais pourquoi vous ne vous êtes jamais regardé dans une glace, voyons. Mais vous avez l'air d'un entonnoir. D'un entonnoir? Bah, parfaitement. Et vous avez une mine de papier mâché. Vous permettez, là, pardon, la minute, là, hein, non, là, hein. Que voulez-vous dire par entonnoir? Ben, c'est simple, un entonnoir. Un entonnoir? Oui, un entonnoir. Oui, bien sûr, un entonnoir. Mais un entonnoir, mais enfin, voyons, entonnoir, il me semble, monsieur, que vous m'injuriez. Non, je vous dis ce que je pense, parce que je vois que vous êtes intelligent et raisonnable. Ah, hein? Oui, et raisonnable. Et je ne parlerai pas aussi franchement à n'importe qui. Ah, vous ne tâteriez personne d'entonnoir. Non, c'est pour moi. Oui. Et puis, si vous y êtes absolument, je vous marierai, hein, mais à une autre. Ah non, pardon, mais moi, je n'en veux pas d'autre. Là, veuillez me marier à celle-là. Hein? Ah, eh bien, soit. Voilà, allez, oui. J'arrangerai tout. Bon. Hein? À une condition toutefois. Ne vous occupez de rien et surtout ne vous montrez plus à cette jeune fille. Je m'occuperai moi-même de tout. Mais enfin, il faut tout de même bien que je me montre. Absolument inutile, au contraire. Rentrez chez vous et attendez patiemment de mes nouvelles. Ce soir, tout sera terminé. Ce soir? Oui. Oh, mais c'est merveilleux. Mais absolument merveilleux. Mais enfin, il faut que je présente mes diplômes, mes certificats. Non, non, c'est pas la peine. De bonne vie et meurtre. C'est pas la peine. Ma fiancée voudra certainement en prendre connaissance. Non, je lui raconterai. Mais rentrez chez vous, j'ai pas besoin de tous ces papiers. Hein. Je vous tiens au courant aujourd'hui même. Oui, allez. Enfin, bizarre. Bizarre tout de même, pas de papier, enfin, ce soir. Voilà. Et ça, enfin, alors à ce soir. Et ça. Entonnoir quand même, c'est curieux. Ah, enfin seul. Mais où Alcide a-t-il disparu? Il n'a tout de même pas mis tout ce temps-là, nous, elle l'a, c'est son soulier. Mais où peut-il bien être? Alcide! Où est-il passé, ce bougre-là? Sont-ils partis? Je n'entends plus personne. Oh, ils sont tous partis. Oh, si vous saviez comme je tremblais. Oh. Il est vraiment effrayant, ce Dupierrot. Quel tyran il serait pour une femme. Oh, j'ai tout le temps peur de le voir revenir. Oh, n'ayez crainte, il ne reviendra plus pour rien au monde. Quant à la Doucette, je suis bien tranquille, il ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Ah, mais le troisième. Quel troisième? Mais Balthazar, vous savez bien. Balthazar. Je meurs de savoir ce qu'on va dire de moi. Comment? Mais j'étais persuadé que vous n'aviez même pas remarqué cet imbécile, ce triple crétin. Mais il m'a cependant donné l'impression d'être assez distingué. Oh, mais c'est un ivrogne. Oh, lui aussi. Et c'est en outre la dernière des fripouilles. Ah, pardon, là, là, tout de même, là, vous allez un peu loin, là, hein? Vous n'avez pas demandé de me présenter ce jour. Vous avez prié de dire du bien de moi, de faire mon éloge, mais pas de cette façon, non. Je ne comprends pas votre manière d'agir. Et croyez-moi, je préfère que vous cessiez. Non, mais regardez-le. Enfin. Il tire à peine sur ses jambes. Et tous les soirs, la même comédie, il titube. Mettez-le donc un peu à la porte et qu'on ne le voit plus. C'est pas un spectacle pour vous. Mais bon Dieu de bon Dieu. Mais où est-il? Il faut que j'aille le chercher. C'est insensé. Ah oui, c'est insensé. Quel drôle d'individu. Enfin, il m'avait promis de chanter mes louanges, et au lieu de cela, mais je ne comprends décidément pas sa tactique. Mais, mademoiselle, je crois que l'on vous a mal informé, n'est-ce pas? Excusez-moi, monsieur, je ne me sens pas très bien. Une migraine subite, c'est ça, une migraine. Allez, adieu. Un instant, je vous en prie, mademoiselle, un instant. Mais enfin, puis-je vous demander si quelque chose en moi vous a déplu? Permettez-moi de vous assurer que ma calvitie ne doit pas vous effrayer, mais elle n'est que momentanée, toute provisoire. Et oui, c'est à cause d'une grippe. Mes cheveux, je vous l'affirme, repousseront très vite. Je ne m'intéresse pas à votre grippe. Enfin, mademoiselle Esmontin, qui vous déplaît. Croyez-moi, quand je suis vêtue de noir, je ne suis pas aussi rouge. Eh bien, tant mieux pour vous, adieu. Mais mademoiselle, je vous en prie, écoutez-moi, elle est partie. Bizarre. Ah, ça, oui, ça, alors là, bizarre. Enfin, voilà la 17e fois que pareille aventure m'arrive. Et presque toujours de la même manière. Au début, j'arrive, je plais, tout semble marcher comme sur des roulettes. Et puis, dès que la solution est en vue, on m'envoie naviguer ailleurs. Oui, voilà ma 17e fiancée, mon 17e ratage. Mais que soit-elle donc? Ai-je quelques défauts que j'ignore? Entonnoir. Ai-je l'air vraiment d'un entonnoir? Enfin, non! On ne peut pas l'affirmer de bonne foi! La nature ne s'est pas montrée avare envers moi. C'est incompréhensible. Je crois que je vais retourner chez moi et fouiller dans mes placards. J'avais jadis écrit des vers. Oui, elle ne pourra pas y résister, c'est pas possible. Je ne comprends pas, non. Au début, tout allait si bien. Et maintenant, rien à faire. J'ai plus qu'à m'en aller. Mais que de regrets. Ah oui, que de regrets. Adieu, fiancée, maison, confort. Je te jure, Alcide, qu'il ne nous a pas vus. Tu as remarqué le nez qu'il faisait? Elle a donc refusé comme les autres? Tout net, comme les autres. On doit se sentir gêné dans un cas pareil. Ah, indubitablement. Tout de même, je ne puis me persuader qu'elle ait déclaré nettement qu'elle me préférait. Préférée? Mais ce n'est pas assez dire, mais elle est absolument folle de toi. Elle parle de toi sur un ton avec une passion, mais on sent bien qu'elle est mordue. Elle a trouvé des petits noms tendres. Ah, comme c'est vrai, quand une femme s'y met, elle trouve des noms charmants, tu sais. Mon bijou, mon trésor, mon petit loulou. Et ce n'est encore qu'un début. Quand tu seras marié, tu entendras les noms plus charmants encore. Dans les deux premières nuits au moins, et tu seras heureux comme un roi. Non, est-ce bien vrai? Je te le jure, foi d'honnête homme. Et maintenant, il s'agit de conclure rondement l'affaire. Parle-lui et demande-lui sa main sans perdre une seconde. Sans perdre une seconde? Maintenant? Mais tu n'y penses pas, elle. Sans perdre une seconde, te dis-je. C'est absolument nécessaire. Regarde, voilà, elle est là. Aïe. Je me suis permis, mademoiselle, de vous amener l'heureux mortel qui... un amoureux comme on n'en a jamais connu. Il est fou d'amour. C'en est véritablement effrayant. Oh, je trouve tout de même que tu exagères. Aucune importance, ça ne fait rien. Mademoiselle, soyez courageuse, audacieuse. Il est timide. Efforcez-vous d'être simple et direct avec lui. Froncez les sourcils, baissez les yeux, puis brusquement, regardez-le tendrement. Montrez-lui votre épaule un tout petit peu nu. Laissez-lui bien regarder à ce cochon. Mais laissez-moi vous dire qu'il est regrettable que vous n'ayez pas mis une robe un peu plus décolletée, non? Allons, je vous laisse tous deux en excellente compagnie. Je vous quitte pour aller faire un tour dans la cuisine et dans la salle à manger. Il faut que je donne des ordres et que j'inspecte. Le maître d'hôtel à qui j'ai commandé le dîner va arriver d'un instant à l'autre. Et peut-être on a déjà apporté les vins, hein? Alors à tout de suite. Hardi mon gars, et on les cœurs. Eh bien, donnez-vous la peine de vous asseoir. Oui. Et ben voilà. Et ben voilà. Aimez-vous, mademoiselle, vous promener sur l'eau? Oh, me promener sur l'eau. Quand vient l'été, il n'est pas désagréable de canoter. Oui, oui. Parfois, canoter avec des amis sur l'eau, l'été. Oui, oui, mais nous ne savons pas le temps qu'il fera cet été. Hein? Et, oh, il faut souhaiter qu'il fasse beau. Oui. Quelle est votre fleur préférée, mademoiselle? Je crois bien que c'est celle qui a le parfum le plus fort. Oui, l'œillet. Oh, mais j'aime aussi le coquelicot. Les fleurs sont la parure des dames. Oui, en effet. Cueillir des fleurs est un passe-temps agréable. Oui, oui. À quelle église allez-vous? À la messe le dimanche? Dimanche dernier, par exemple. Ah, dimanche dernier. À Notre-Dame des Petites Sœurs. Oui, le dimanche précédent, à Saint-Philippe-des-Champs, le plus grand. Ah, oui. D'ailleurs, qu'importe l'église où l'on prie. L'essentiel, c'est de prier, n'est-ce pas? Allons. Allons, ce sera bientôt la fête de Dieu. Oui, je crois bien que dans un mois, au plus tard... Au plus tôt, je crois. J'assisterai à la procession. Non. Oui. Nous sommes le 8, 9, 10, 11, 11 et 11, 22, dans 22 jours. Exactement le 22e jour. Oh, mais c'est donc très prochainement. Ah, mais il est vrai que je n'ai pas compté aujourd'hui, ça ferait 23. Oh, comme la ville est animée en ce moment. Oh, mais oui, pourquoi donc? On construit les immeubles. Je passe chaque jour devant une maison en construction et... Alors, je vois les maçons en haut d'un échafaudage qui transportent du ciment. Oh, ils n'ont pas peur, vous savez, les maçons. Oh, c'est merveilleux. Et dans quelle rue? Ah, je ne sais pas son nom. C'est bête. Parce que je l'utilise tous les jours, cette rue, pour aller au ministère. Parce que tous les jours, je vais à mon bureau, moi. Mademoiselle, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Oui, je crains de vous ennuyer. Mais pas du tout, au contraire. Oh, je vous remercie d'avoir bien voulu passer ces quelques instants en ma compagnie. Je craignais vraiment de vous ennuyer. Mais je vous promets que vous ne m'avez pas ennuyé un instant. Non. Dans ce cas, permettez-moi de revenir un soir, dans quelques temps, passer quelques instants avec vous. Oh, mais hein? Avec le plus grand plaisir. Mademoiselle. Monsieur. Mademoiselle. Monsieur. Mademoiselle. Mademoiselle. Oh, c'est décidément un homme d'une parfaite dignité. Je viens seulement de m'en rendre compte. Il est modeste, réfléchi, il pèse ses mots. Oh, je regrette seulement qu'il soit parti si tôt. J'aurais aimé l'entendre encore. Oui, mais très agréable de converser avec lui. Je suis bien contente qu'il ne soit pas de ces bavards incorrigibles. Déjà, Je voulais lui avouer, mais je me suis sentie soudain si intimidée. Mon cœur battait à tout rompre. Oh, quel excellent homme! Je vais aller tout raconter à ma tante. Oh, ma tante, écoutez! Mais pourquoi donc veux-tu retourner chez toi? C'est complètement idiot, je te demande un peu pourquoi tu veux t'en aller. Mais je n'ai plus rien à faire ici. Je lui ai absolument tout dit, ce que j'avais à lui dire. Ah, tu lui as ouvert ton cœur? C'est justement mon cœur que je lui ai pas ouvert. Triple imbécile! Pourquoi ne lui as-tu pas déclaré ton amour? Mais comment veux-tu que de but en blanc, je lui dise en tombant des nues, mademoiselle, nous allons nous marier? Je peux pas. Non, mais quelle fadaise avez-vous donc débité pendant cette demi-heure? Et nous avons parlé de tout. Et de rien. Réfléchis donc une seconde. Quand donc aurons-nous le temps d'arranger le dîner? As-tu donc oublié qu'il faut que dans une heure, tout soit conclu? Mais tu deviens fou! Aujourd'hui, me marier aujourd'hui? Mais oui, aujourd'hui même! Impossible! C'est impossible. Tu m'as juré que tu te marierais lorsque les autres prétendants auraient vidé les lieux. Je suis décidé à tenir parole, mais pas immédiatement. Il faut que tu m'accordes un mois de répit. Un mois? Oui, un bon mois. Mais tu es complètement fou! Il me faut un mois pour me préparer. Ne te debois, tu ne sais donc pas que j'ai déjà commandé le dîner pour ce soir avec des vins? Je ne te dis que ça! Écoute, mon cher, mon bon Alcide, ne t'entête pas. Marie-toi ce soir. Mais pour simple ce que tu dis, mon cher, me marier, ce sont des voyous, mais c'est un souci. Alcide, mon ami, mon cher ami, je t'en supplie. Oh. Et si tu n'en as pas envie, toi, fais-le pour moi. Mais je te répète que c'est impossible. Tout est possible, mon bon ami. Allons, assez de caprices, hein? Mais je t'assure, je me sens pas à mon aise. Mais se marier, c'est vraiment embarrassant, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a d'embarrassant, hein? Je te demande un peu. Qu'est-ce qui t'a raconté des blagues pareilles? Réfléchis un instant. Tu es un homme intelligent? Oui. Je ne dis pas cela pour te flatter, ni parce que tu es chef de division. J'insiste par amitié pour toi. Allons, mon bon ami. Décide-toi. Sois intelligent. Mais je te jure que si c'était possible, j'hésiterais pas un instant. Alcide, mon frère. Oui. Mon enfant. Oui. Veux-tu que je te supplie à genoux? Mais non, mais pourquoi cette hâte, Seigneur? Pourquoi? Je suis à tes pieds, à genoux devant toi. Mais je vois bien. Tu vois? Oui. Je te supplie de te marier. Mon frère, je n'oublierai jamais. Impossible, mon frère. Toute réflexion faite, c'est impossible. Cochon! Roi des cochons! Oh, tu peux m'injurer si ça te plaît, tu sais. J'ai jamais rencontré une andouille aussi andouille que toi! Tu peux m'injurier, mon cher, continue, je t'en prie. Et dire, je me suis éreinté, je suis trimé. Pourquoi? Pour toi. Triple idiot. Et puis après tout, je m'en fous! J'abandonne, tant pis pour toi! Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'occuper de tout ça, je t'en prie? Mais va-t'en! Sans moi, t'es perdu, tu m'as entendu, être foutu. Tu es absolument incapable d'agir par toi-même. Si je ne te marie pas, tu resteras toute ta vie une pauvre moule. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Pourtant bien, tête de lard. J'ai pas besoin de tes conseils. Alors, fous le camp. C'est bien, mon cher. Je m'en vais. Cours! Casse-toi une jambe! Fais-toi écraser par un chauffard! Tu n'es qu'une nouille et pas un véritable fonctionnaire! Hein? Et puis rappelle-toi que tout est fini entre nous! Prends garde de ne plus jamais paraître sous mes yeux! C'est bon? J'ai compris? Adieu! Ah, adieu! Il se casse la gueule, imbécile! A-t-on jamais vu un animal pareil? Quel moule! Tiens, à vrai dire, j'en suis une autre. Pourquoi diable est-ce que je m'agite comme un lion en cage? Alcide n'aimait rien, pas même mon frère. Je ne suis pas sa nourrice, ni sa nièce, ni sa marraine. Je me demande alors pourquoi je me fais tant de bile et tant de mauvais sang. Je le maudis! Un point, c'est tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fiche? Rien, hein? Oh, le beau chameau, j'aimerais lui tirer les oreilles, lui casser le nez, les dents, le crâne, mais tout, exactement tout! Ce qui me fait rager, c'est de l'avoir vu partir tranquille comme Baptiste. En se moquant de tout et du reste, il va rentrer chez lui, un petit pas, il s'installera sur son sofa, va lui mettre sa petite pipipe, il se vautrera littéralement! Quelle vache! Quelle ignoble créature! J'ai déjà rencontré pas mal de têtes de cochon, mais cette taille-là, jamais! Il se fout de moi! Mais attends un peu, mon bonhomme. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais aller te chercher et te ramener ici de gré ou de force. Tu ne m'échapperas pas, espèce de lâche! Sale limace! Je te prendrai par la peau du cou! Pardon, mademoiselle, je reviens dans un instant. un instant, pardon. Comme mon cœur bat. Mon Dieu, comme il bat. Alcide. Alcide me poursuit en pensée. Il me semble le voir partout. Il y a 2 heures à peine, je pouvais penser à un autre. Mais maintenant, il n'y a plus que lui, Alcide. Oh, je suis décidément un tournant de mon existence. Je vais me marier et on me laissera seule avec un homme. Oh, j'en frémis. Adieu. Adieu, ma vie de jeune fille. Moi qui avais vécu tant d'années dans le calme. Et puis j'ai grandi. Et maintenant, l'heure est venue de me marier. Que de soucis ne vais-je pas avoir? Des enfants, du petit garçon batailleur, puis des filles qui grandiront elles aussi. Et qu'il faudra bien marier. Pourvu qu'elles épousent de braves garçons et non des ivrognes ou des joueurs qui mangeront tout ce qu'elles possèdent. Oh. Mais je pleure. Je n'ai pas profité comme je l'aurais dû de mes années de jeune fille, non, puisque je n'attends même pas mes 35 ans pour me marier. Oh. Hélas. Mais pourquoi Alcide n'arrive-t-il pas? Que fait-il? Ah, le voilà enfin. Je suis venu, mademoiselle, pour vous entretenir d'une petite affaire. Mais je désirerais savoir auparavant si elle ne vous paraîtra pas un peu étrange. Ah, de quoi s'agit-il donc? Dites-moi d'abord, mademoiselle, je vous en prie, si vous ne serez pas déconcertée. Vraiment, je ne puis savoir. Vous conviendrez que mes paroles vous sembleront pour le moins étranges. Vous faites erreur. Tout ce que vous pourrez me dire me semblera bien agréable. Oui, mais c'est que vous n'avez encore jamais entendu des paroles de cette sorte. Non, jamais. Allez. Voici. Mais peut-être vaudrait-il mieux que je vous dise ce que j'ai à vous dire beaucoup plus tard. Aïe. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Je voulais vous déclarer que j'hésite encore un petit peu. Bon Dieu de bois, mais quel triste individu! Ce n'est pas un homme, c'est une feuille morte, une lavette! Allons, qu'est-ce qui vous fait encore hésiter? Le doute. Oh. Toujours le doute. C'est plus fort que moi. Toute cette conversation est stupide. Alcide, tu n'as pas de sens commun. Vous devez comprendre, mademoiselle, que mon ami vous demande votre main. Il vous déclare que sans vous, la vie lui deviendrait insupportable. Il tient à savoir si vous acceptez de lui donner le bonheur. Mais tu es fou, mon ami. Tu vas trop loin et trop vite, je t'en supplie. Non, non. Alors, mademoiselle, oui ou non, acceptez-vous de rendre ce mortel heureux? Je n'ose penser que je suis capable de faire le bonheur. Mais j'y consens. Très bien! Enfin, oh, donnez-moi vos mains. Mais tout de suite, comme ça. Donnez-moi vos mains. Ah, là. Que Dieu bénisse votre union. Comptez sur moi pour vous protéger. Le mariage est une chose grave, très grave. Ce n'est pas une chose aussi facile que d'appeler un taxi. Le mariage comporte des devoirs, de graves devoirs. Mais je n'ai pas le temps en ce moment de vous énumérer ses devoirs. Hein. Je vous en parlerai plus tard. Hein. Alors, mon ami, embrasse ta fiancée. Non seulement tu peux, mais tu dois le faire maintenant. Je vous assure, mademoiselle, qu'il faut qu'il vous embrasse. Hein. Allez, laissez-vous faire. Oui, mademoiselle, il le faut. Il le faut. Pouvez-vous me permettre? Permettez-moi. Oh, quelle jolie petite main, mademoiselle. Pourquoi avez-vous une aussi jolie petite main? Mademoiselle, je désire que notre mariage ait lieu sans plus tarder. Immédiatement. Oh, mais comment? Immédiatement? Mais c'est peut-être un peu trop rapide. Non, non, je ne veux plus attendre. Je désire même que notre mariage ait lieu maintenant. Voilà. Dans une heure ou plus tard. Oh. Bravo, bravo, voilà qui est admirable. Quel noble cœur. Je puis bien te le dire maintenant. J'ai toujours eu confiance en toi, Alcide. Mademoiselle, allez vite vous habiller. Pour vous dire toute la vérité, j'ai déjà commandé le dîner, les vins. Oh. Je sais que votre robe de mariée est prête. Oui, oui. Il y a longtemps qu'elle est finie. Oh, je vais m'habiller. Et je reviens. Oui. Oh, mon ami, je te suis reconnaissant. Je mesure actuellement le service que tu m'as rendu. Un père n'aurait pas mieux agi. Non. Et je sais que c'est par pure amitié. Oui. Merci, mon frère. Oh. Ah, tu peux être sûr que j'oublierai jamais. Tu peux être certain qu'au printemps prochain, J'irai au cimetière déposer des fleurs sur la tombe de ton pauvre père. Ah, je t'en prie, mon ami. Je suis si heureux moi-même. Ah. Alors, oui, viens, je vais t'embrasser. Viens. Ah, Dieu veuille que tu sois heureux. Bien sûr. Ah, dans l'aisance et dans la joie, et que vous ayez beaucoup d'enfants. Oh, merci, mon cher frère. Mais je comprends enfin le sens de la vie. Ah, un monde nouveau se présente devant moi. Tout vit, tout fonctionne, tout respire, et puis tout s'évanouit, disparaît. Vous ne comprenez rien autrefois. Ah, je vivais comme ça, non, comme les autres. Je réfléchissais pas, je n'approfondissais ah, pas. Tu me vois tout à fait heureux, mais il faut que j'aille voir si tout est prêt pour le dîner. Hein. Je reviens dans un instant. Hein. Hein, je reviens. Je crois qu'il est tout de même plus prudent que j'emporte son manteau et son chapeau. En effet, Seigneur, quel homme je fus jusqu'à ce jour. Quelle a été ma vie de célibataire? Qu'ai-je fait? Je vivais, je servais l'État. J'allais tous les matins au ministère, je déjeunais, je dînais et je dormais au ministère. Ah, vraiment, vraiment, je comprends maintenant que les hommes qui ne se marient pas sont des imbéciles. Et en somme, quand on étudie à fond ce problème, on s'aperçoit que beaucoup d'hommes vivent comme des aveugles. Mais si j'étais un dictateur, mais je décréterais que tous les hommes doivent se marier, tous sans aucune exception, qu'il ne reste plus dans tout le pays un seul célibataire. Tout de même, quand je pense que dans quelques minutes, je serai marié. Que je goûterai ce bonheur dont on ne parle que dans les contes de fées. Et comment le définir? Oui, oui, comment? Il n'y a pas de mots, ça, il n'y a pas de mots. À vrai dire, lorsque je pense sérieusement à tout ça, et toute réflexion faite, je suis un peu épouvanté. Je vais me lier pour toute une vie, pour tout un siècle, quoi qu'il arrive. Plus d'échappatoire, plus de regrets, c'est fini, fini. Tout est accompli. Et même maintenant, dans le fond, plus moyen de reculer, ne peut plus revenir en arrière. Dans une minute, je m'engagerai pour toujours. Eh oui, impossible de fuir. Et cependant, est-ce que tout de même, je pourrais pas me sauver Ah, je sais bien qu'il y a des gens dans toutes les pièces et que si je m'en allais, on me demanderait où est-ce que je vais. Non, ça, c'est inutile d'y songer, non. Non. Toutefois, cette fenêtre... Ah, cette fenêtre, oui. Non, non, non, non, non, c'est impossible. C'est pas bien haut, la fenêtre. 1m50. 1 mètre au maximum. Ah oui, mais je n'ai ni manteau ni chapeau. C'est gênant, ça. On peut difficilement sortir sans chapeau. Ça se fait pas. Et si j'essayais pourtant la fenêtre? Oh! Un taxi! Taxi! Taxi! 1, 2, 3, je saute! Cher monsieur Alcide, cher Alcide. Tiens, il n'y a plus personne. Où est-il? Alcide! Alcide! Va voyons, Alcide. Pourquoi appelez-vous? Il est sûrement là. J'étais dans le salon à côté, je ne l'ai pas vu sortir. Mais où peut-il être? Ben, derrière les rideaux. Non, il n'y a plus personne. Oh, Alcide! Eh bien, mais que se passe-t-il? Mais Alcide a disparu. Disparu? Oui. Il est sorti? Mais non, justement, il n'est pas sorti. Non, mais disparu sans sortir, non, mais je ne comprends pas. On peut se demander où est la pousse fourrée. J'ai pas quitté le salon d'une seconde. Oh, oh, et il n'y a pas d'autre sortie. Mais non, aucune autre sortie, voyons, faites quelque chose. Mais c'est insensé, enfin. Mais il a pu disparaître sans sortir par cette porte. Non, mais veux-tu me plaisanter? Il se cache peut-être, non, non, non. Alcide, Alcide, où es-tu? Allons, Fabrice, allons, allons. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Attendez, mais dans ce que tu fais, derrière ce canapé. Non. Mais c'est inconcevable. Oh, ma tante, vous n'avez pas vu monsieur le vacillant? Moi, si. J'ai vu sauter par la fenêtre. Salaud! Après avoir sauté, il est monté dans un taxi et il est parti. C'est impossible! Je vous jure que je l'ai vu sauter et que le quincaillier en face l'a vu aussi. Vous mentez! Oh, vous taisez-vous! Qu'êtes-vous venu faire chez nous? Vous moquez de nous? Vous amusez à nos dépens? C'est honteux, c'est ignoble. Comment? Humilier une vierge devant le monde entier. Oh, vous êtes un immonde individu, un suborneur, un lâche, un personnage repoussant. Viens, Glaé, pauvre chéri. Eh ben, mon gaillard, voilà du beau travail. Vous avez voulu vous passer de moi. Je ne trouve peut-être que des prétendants miteux et sans âme. Mais j'en ai jamais présenté qui se débine par la fenêtre au moment de consommer. Oui, c'est inconcevable. Mais soyez tranquille, vieille noix. Oh! Je cours le chercher. Je le ramènerai mort ou vif. Tu peux toujours courir, c'est pas qu'il ramène. Tu t'y connais en mariage, vieux schnock. Si encore il était sorti par la porte. Oh, mais par la fenêtre. Alors ça m'embouche un coin. Nous rappelons la distribution du Mariage de Gogol, présenté aujourd'hui dans une adaptation de Philippe Soupeau. Aglaé, la jeune fille à marier, était Odette Laure. Pétronille, sa tante, Geneviève Morel. Alcide le vacillant, le prétendant, Roger Pierre. Octave Chtebouscule, son ami, Louis de Funès. Alphonse, son domestique, Jacques Legras. Du Pied de Vaux, le Chicard et la Doucette, autre prétendant, étaient Fernand Rosena, Pierre Dac et Michel Serrault. Et Léonie Morbois, la marieuse, Mona Goya. Prise de son, Jean Jusforgue. C'est le théâtre où l'on s'amuse, une production et réalisation de Philippe Soupeau et Jean Chouquet. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 3 décembre 1953.